Et donc, cohérence oblige, alors on est obligé de parler de après Ultra Nova, alors de ce que l'avenir te réserve de beau. Tu disais que tu es déjà en train de d'écrire un nouveau scénario qui s'appelle NES pour le moment, c'est ouais, ça ouais, qui va sûrement changer au moins une bonne douzaine de 40 fois de nom. Ouais. Bah, j'avais commencé à écrire avant le tournage, parce que je me suis dit c'est bien de... Ah, après Muno, j'avais rien prévu, donc quand Jacques-Henri m'a dit de faire un long métrage, je suis reparti vraiment à zéro, je savais pas du tout de quoi. Ici, voilà, il y a déjà quelque chose qui est mis en place, et puis maintenant j'attends vraiment que la promotion soit terminée, que je puisse me plonger complètement dans l'écriture, et avant ça que je puisse m'ennuyer, parce que pour moi je revendique l'ennui, je trouve qu'aujourd'hui... Le droit à la paresse. Ouais, vraiment il y a l'ennui. Dans la paresse, on peut encore se complaire dans la paresse, mais à partir du moment où on s'ennuie, la paresse ça devient un poids, et je trouve que c'est important de s'ennuyer. Quand on était petit, on s'ennuyait, et de cet ennui naît toujours quelque chose. Et quand je vois mes nièces, etc., on ne leur laisse plus deux secondes pour s'ennuyer, quoi. Et moi je revendique l'ennui, et là j'ai besoin d'ennui pour pouvoir continuer mon écriture. Et c'est pas bizarre de parler d'un film qui finalement est quand même un peu loin derrière toi, parce que le tournage s'est déroulé il y a un an. Il y a un an. Donc c'est un objet qui commence à se détacher de toi. Le film ne m'appartient plus. Donc à partir du moment où il m'a appartenu jusqu'à la fin du mixage, jusqu'à la fin de l'étalonnage, et puis depuis février, donc depuis Berlin, je sais que ce film ne m'appartient plus. Donc il y a déjà une distanciation, ce film s'en va, c'est comme un enfant qui prend son premier cote, et voilà, on a un peu du... Puis à la fois c'est normal, c'est les cycles de la vie passent par là. Et puis il va sortir en DVD. Et puis il va sortir en DVD, il y a encore pas mal de choses prévues, puis il y a une sortie en Hollande en octobre, il y a encore des petites choses à faire, mais... Tu vas tenir la main encore un petit peu de temps. Ouais, de temps en temps, je viendrai lui faire sa lessive. Voilà. Il préparait un peu de nourriture dans des tupperwares. Ah, voilà, ouais, c'est ça. Il met un peu de rôti dans le fond, un pot en plastique, des trucs comme ça. Oui. Et alors le DVD, parce que nous, cinéphilie oblige, on aime bien les DVD, surtout les bonus. C'est quelque chose à laquelle on réfléchit aussi quand on fait un film. Je me suis dit. Est-ce qu'on engage quelqu'un pour faire un making-of? Voilà, alors ici, moi, il y a un truc que je n'aime pas dans les DVD, dans les bonus, c'est les making-of tournés en vidéo. Je trouve qu'il y a tout à coup, alors qu'on a tout un mystère de par la mise en scène, tout à coup, il y a un truc très cru comme ça. La vidéo, c'est très cru comme image. Et de voir des scènes, de voir le tournage d'une scène... peut-être sur laquelle on a vraiment flashé pendant le film. En vidéo, ça. Ça brise la magie. Donc, on a quand même fait venir, mais c'est tous des amis, c'est Benoît Mariage, Fred Fontaine, ils sont Liberski, ils sont tous venus sur le plateau, Pierre-Paul Renders, ils sont tous venus sur le plateau filmer un petit peu. Mais je ne suis pas sûr que je vais utiliser ces images-là. Mm-hmm. Par contre, on a plein d'autres bonus de prévu, parce qu'on a fait une espèce de petit making-of en Super 8, noir et blanc muet, sur lequel on a couché une musique. On a refait un film de 25 minutes avec toutes des séquences coupées, on en a refait un film qui explique des choses. Ah, d'accord. En parallèle, un moyen métrage explique. Voilà, ça se remet. C'est vraiment un film en parallèle par rapport au c'est film. C'est Ultra Nova en creux. Ouais, par exemple, on sait d'où vient le Banylon, des choses comme ça, mm-hmm. parce que la scène existe. Et puis alors, il y aura Muno, il y aura le clip de Sacha, il y aura des tout premiers films en Super 8 avec des films de famille, il y aura des petits trucs faits avec un appareil photo. Avec un horrible GSM qui enregistrait des images, mais que faisait Verbrugge sur le plateau, ça pissait de rire. Il y a plein d'autres choses, donc c'est un bonus qui va être riche. Ah bah c'est chouette, ça livre déjà. On en reparlera sans doute dans la presse. Une nouvelle naissance pour Ultra Nova, alors une renaissance. Ultra Nova, oui. Et puis on va te voir aussi comme acteur, alors. Ça, on en a un peu moins parlé, mais c'est vrai que tu continues à faire l'acteur. Oui. C'est. Juste un gagne-pain ou c'est plus qu'un gagne-pain? C'est un gagne-pain, c'est clair, parce que voilà, un long métrage, on peut croire qu'on a énormément d'argent, mais non, moi je gagne pas ma vie en faisant des longs métrages, par contre je la gagne en jouant. Ça me permet aussi de passer d'un plateau à l'autre, de rencontrer pas mal de gens différents, d'être au courant des avancées technologiques dans le métier, de rencontrer des gens comme Verbrugge que je n'aurais pas rencontré sur un autre plateau, de voir comment travaille Genet, de voir comment travaille sur Altra, donc de me nourrir tout le temps. Et puis j'adore le plateau. Si je ne faisais que mes plateaux, je ferais un plateau tous les 4 ans et moi ça fait 20 ans que je travaille sur les plateaux, j'ai fait tous les métiers et j'aime ça. Et t'as commencé comme décorateur? Ouais, même comme vraiment mandai, comme figurant, etc. J'ai fait tous les métiers, je crois que j'ai une société qui faisait à manger sur les plateaux, j'ai fait plein de choses très différentes et j'ai besoin de ça. J'aime bien humainement ce qui se passe sur un plateau. Donc je continue à faire les deux et puis là il y a le film de Liberski qui va sortir. Ouais, Bunker Paradise. Bunker Paradise avec Jean-Paul Rouve. Plus King Kong Paradise parce qu'apparemment il y a King Kong qui va sortir. King Kong s'il vous parle en merde. donc on a enlevé King Kong. Et puis il y a le film de Dupontel qui va sortir aussi. C'est déjà tout. Dupontel est aussi, c'est en boîte aussi. Oui, c'est en boîte. Ouais, tout ça, c'est en boîte. Donc là, moi, j'ai peut-être les valeurs, le film de Benoît Mariage qui va se faire d'ici quelques mois. Donc c'est uniquement des films d'amis, de connaissances, c'est pas. Ben. Quand on est boulinaire, on ne fait plus de casting ou quoi ou... Ben là, ici, j'ai fait une audition hier. Bon, je suis rentré cette nuit de Paris où je faisais la promotion du film. Et hier, j'avais une audition avec Danny Boone. Donc, je vais peut-être faire le prochain film de Danny Boone. Ben là, on a fait une lecture, etc. Mm-hmm. C'est pas vraiment un casting. Je pense que maintenant, effectivement, les gens peuvent regarder. Et moi, je préfère travailler avec des gens sincères. Voilà, que le film soit réussi ou pas, je m'en fous, mais au moins des gens qui font leur film sincèrement. Donc j'ai fait des daubes, c'est clair, mais je n'ai aucun doute. J'ai vu que tu as joué dans un tas tortes. Ouais, ça c'était. Mais ça c'était. Il y a eu deux parties. Il y a eu vraiment les choses que je choisissais pas. Moi j'ai fait quand même pendant des années, j'ai fait des téléfilms. Mm-hmm. Et là il y a un paquet de merde. Et là effectivement, c'est là que j'ai appris le métier. Mm-hmm. C'est vraiment de glander sur les plateaux. J'ai regardé comment ça se faisait. Et là j'ai fait des trucs vraiment à chier quoi. Et depuis les convoyeurs attendent, je suis plus là-dedans. Mais ça a été mon service militaire. C'est là que je l'ai fait moi. C'était vraiment à glander. Les convoyeurs attendent, c'était un tournant. C'était un tournant parce que c'était l'année de les convoyeurs attendent. Ça a été l'année de Traveling, mon premier court métrage. Ça a été l'année de la mort de mon père. Ce qui est quand même dans ma vie personnelle un cap. Et je suis passé à autre chose à ce moment-là. Et donc ici, moi, j'ai la chance d'être second rôle. Je trouve qu'à une période où tout le monde rêve d'être une star, moi, je trouve que second rôle, c'est nickel. Parce qu'on ne fait pas les promos. Tu ne tiens pas à avoir le haut de l'affiche ? Non, parfois j'ai des rôles plus importants. Là, j'avais un long métrage, j'avais le premier rôle, mais je ne l'ai pas fait. Ce truc j'avais lu une interview de François Berléand qui disait que c'est un second rôle récurrent dans le cinéma français qui prend beaucoup plus son pied en tant que second rôle parce qu'il fait un peu ce qu'il veut. Bah, moi, je fais ce que je veux. Que ça repose pas sur lui, donc il est tranquille. Ah ouais, on ne fait pas les promos, ça repose pas sur soi, on n'est pas trop emmerdé dans la rue parce qu'on ne nous reconnaît pas, donc c'est parfait, je ne voudrais pas du tout avoir la vie d'une star. Et puis ça me laisse pas mal de temps entre les films pour faire les miens. Donc je trouve que j'ai trouvé enfin dans ma vie le bon dosage, quoi. Donc, et puis ici, il y a le film de Benoît Mariage, puis il y a le film de Guillaume Malandrin avec Cécile de France, et puis après peut-être le Danny Boone. Donc si quelqu'un veut avoir le même parcours, il faut faire des tas tortes et puis... Et puis si, moi j'ai fait même pire que tas tortes. Moi j'ai fait cœur, dans cœur et pique, hein, quand même, faut pas oublier. Mais je pense que... Donc c'est pas nécessaire pas de faire du col de sur cinéma. Les tas tortes, mais on n'a pas toujours le choix. Parce qu'on dit toujours... Ça prouve au moins que tu es bilingue. Ouais, déjà, je suis bilingue. Bon, les tas tortes, ce qui avait de bien, c'est que ça se faisait en Allemagne, c'était bien payé, puis surtout, on ne les voyait pas en Belgique. Donc ça va. Par contre, les téléfilms français, là, malheureusement, ils passent en Belgique, puis comme c'est les productions télé... Ouais, t'as fait le pantalon de Boissé qui n'est pas, c'est pas honteux. Dit que j'ai fait. Il y avait que des merdes. Hein, il y en avait beaucoup, mais il y avait beaucoup de bouse, mais il y avait des trucs bien. Mais le pantalon, c'était bien. Et puis là-dessus, j'étais. C'était à l'époque où j'étais quand même encore un peu technicien. Donc je faisais en même temps, j'étais artificier avec Olivier de la Velay. Donc je plaçais les charges dans les champs de bataille, parce que ça se passe pendant la guerre 14-18. Et dans les autres scènes, je joue, ce qui perturbait très fort Boissé. Il n'avait pas l'habitude de ça. Il y a plusieurs films comme ça où j'ai fait les deux casquettes. Dans Jeunesse sans Dieu, j'étais accessoiriste de plateau. Donc j'étais en permanence sur le plateau. Et puis je jouais dedans. Donc je jouais devant mes potes, mais les accessoires, je devais aussi les amener. Et je me rappelle qu'une fois, il y avait une charrette d'âne qui devait arriver, avec laquelle je devais jouer et qui n'était pas arrivée. Donc je me faisais engueuler alors que j'étais comédien pour la charrette avec laquelle je devais jouer et que je n'avais pas. C'était super perturbant. C'est un peu schizophrène. Et on ne te voit pas dans Ultra Nova, alors ça c'était pour ne pas justement multiplier les casquettes ou t'éparpiller. Non, il fallait je voulais pas m'éparpiller, puis je me sens tellement bien dans ma peau en tant que réalisateur. Enfin, je crois que j'ai trouvé ce que j'aime dans la vie, que je n'avais pas du tout envie de repasser de l'autre côté de la caméra, j'avais simplement envie de rester bien. Mais j'aime bien mon rôle de réalisateur, j'adore ça. Et je suis beaucoup plus disponible que de jouer en plus dedans. Mais je fais quand même deux choses dans le film. Il y a une voix au téléphone. Mm-hmm. Ça, c'est moi. Et puis, il y a un P dans le film. Et le P, on l'a fait en studio. C'est la Hitchcock Touch. Hein ? C'est la Hitchcock Touch dans le film. Hitchcock Touch, c'est mon petit P. Donc, je fais un petit P avec la bouche en post-production. Est-ce que ce sera le mot de la fin ? On va finir sur un P. Bah écoutez, c'est tellement rare d'arriver à faire un film dans lequel il y a un P sans que ce ne soit une comédie. Que oui, je revendique mon père. Ok, Bouli, merci d'être venu. Alors, on a été très heureux de pouvoir papoter avec toi. Mais moi aussi. Et donc, rendez-vous est pris. Ultra Nova. Toujours à l'affiche jusqu'en juillet. À partir de maintenant, c'est au Churchill. Donc, vous n'avez pas d'excuses si vous n'y allez pas. Amener plein de potes, toute la famille. La famille, vos animaux, tout le monde. Hein. Et puis à Noël, vers Noël, j'imagine, le DVD sortira. Bah, vous pourrez l'offrir à vos octobre, parents. Novembre. Ouais. Donc vous n'aurez pas encore dépensé tout l'argent de Noël. Ce sera au début de l'achat des cadeaux. Voilà. Vous pourrez l'acheter en novembre, déjà. Et puis il y aura déjà vos cadeaux. Après, vous le faire offrir en décembre par quelqu'un d'autre. Et donc voilà, et puis on te reverra sur le grand écran aux côtés de Jean-Paul Rouve, voilà, dans le Liberski, et puis aux côtés d'Albert Dupontel. Ouais. Avant de citer, peut-être préciser que le tapis que nous écoutons, donc c'est Dead Beat, qui est donc... C'est un jeune Canadien, voilà, si je ne m'abuse. C'est un jeune Canadien qui habite à Berlin, et donc la musique a été composée par Jarby McCoy, mais on a aussi racheté les droits de ce morceau-là... pendant le tournage. Voilà, il colle très très bien. La musique a une place primordiale. Elle joue un rôle fondamental. Comme dans ma vie, la musique a quelque chose de fondamental dans ce que je fais. Et donc, BO, donc, composé par ailleurs par Jarby McCoy, ouais, comme tu disais, dont on peut écouter des extraits sur le site. Sur le site, parce que malheureusement, il n'existera pas de BO. Voilà, vous pourrez vous repasser le DVD en boucle. Voilà, soit ça, le DVD en boucle, et soit effectivement attendre dans 20 ou 30 ans quand on fera une compile de plein de choses. Voilà, quand tu seras très célèbre. Quand je serai très coffret, très très malade et tout ça, ça sortira à ce moment-là. Ok. Mais Bouli, merci encore. Merci. Et à vous. Bientôt, j'espère. Ouais. Au revoir.